Tu parles beaucoup, c'est pas très pertinent. Sur la défense comme Rio Ferdinand. Mon cœur dit oui, mon Ferdinand, métier du bâtiment. Seul à mon compte, j'étais un artisan. La première fois que j'ai vu une marque de sang, j'avais même pas 10 ans. C'est pas très gratifiant de dire qu'on vient d'une thèse. Mais je les baisse, moi rouille à les baisse, qui je t'attaille et baisse. Regarde autour de toi et dis-moi qui te laisse. Vite de tu vas te manger la semelle de mes triple S. Je connais des MC font tapiner des filles de l'Est. Que ça coupe tes photos, la scène c'est Pinterest. Il te reste que la gratte le bloc, ça tu cherches le Glock. Un ennemi, ça donne tous les places et ça en cap le proc. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi qu'est-ce que c'est? Viens pas t'excuser. Le souci c'est que j'en ai marre de voir ta tête de pain sucer. Aucun succès, mais j'ai qu'ils connaissent. C'est cuit comme les Ganes. Comme du pont de Ligonesse avant qu'ils disparaissent. Et j'aime les petites caresses, les armes de Bucarest. C'est un paradoxe, si ça chauffe j'investis dans un box. M'inscris pas à la boxe, fais pas comme Top Boy. Fais pas jobber les tox, elle rappelle pas. J'monte sur un braco, après j'me fais des locks. J'ai planqué tout le bénéf dans la boîte Kellogg's. C'est tout pénaf, pourquoi tu parles de nous, pourquoi tu nous pénaves? Des fois je suis maghrébin, des fois je suis scandinave. Passe en ginavé sur la table, on reparlera samedi soir. On m'a laissé dans le noir sans musique, sans image. J'ai fumé la sativa avant de patiner dans le virage. Et check les mecs d'en bas ou par tabac, les futurs macabés. On me dit pas vrai que ce soir Mbappé il marquera pas. Dis-leur le dé, toi t'es un bon pronostiqueur. Ça fait choper mon sang, bientôt je vais mettre une moustiquaire. Un cri du cœur, j'ai mis Vatos sur les stickers. Un deck dans la petite ruche, des boules masquées comme Rudiger. C'est réducteur, parler du secteur, debout depuis 7 heures. Parano avant de partir, je rallume 3 fois l'interrupteur. Et mes frères, même Antolini. Là c'est Marseille, c'est pas Santorini. Je dois suivre mon destin comme un nid. Je vais être mieux, apprends-moi comment faire pour aimer toi et moi, sans limite, sous un ciel, sans lumière. C'est rien, c'est lui-même et je rejette automatiquement mes sentiments. Mathématiquement, on m'écoute pratiquement dans le continent. Et ça continue, la rue c'est pas pareil. Continuer, quand tu dors, ça mélange qualité et quantité au quartier nord. Pourquoi dormir, tu peux le faire quand t'es mort. Surveille les angles morts, le shit colle tous ses morts. Les ongles noirs, les au revoir. Moi j'aime pas trop ça, j'avais 14 ans, je tenais le navire comme Barbossa. Casse-toi de là, t'es pas mon sang, nique les matons. Pas de vécu, ça joue les patrons. Je connais des millionnaires, on surveille des décathlons, c'est le mercato. Je sers sa part de Coutinho. J'suis posé au fond du bar avec Pétard Cappuccino. J'aurais pas le pouvoir de Poutine, ni celui de Siler dans la série. J'suis dans ses rêves, j'pilote son cœur comme Nasseri. Le cœur serré quand j'pense aux frères incarcérés. Tu passais rien après tant d'années, va te réinsérer, de quoi serrer. Mais on croit en Dieu, c'est ça qui nous tient. Kilo cheat, t'as fait comme un chien, c'est le quotidien. J'voulais pas grandir si tôt, j'voulais pas oublier tout ça, les délires à la cité. J'voulais qu'on évite les ennuis, mais on s'est fait inciter. Et même si j'aime mon quartier, j'ai fini par le quitter. Je voulais pas grandir si tôt, je voulais pas oublier les délires à la cité. Je voulais qu'on évite les ennuis, on s'est fait inciter. Maman s'inquiète, je reste en bas. Même quand le soleil brille, on cherche le million en oubliant que le temps passe. Elle a vu Christian Dior, elle me fait la mignonne. Quand elle m'appelle, je réponds pas. Qu'est-ce que le temps paraît long, on dit pas les noms. Devant l'OPJ, on parle pas. Maman s'inquiète, je reste en bas. Qu'est-ce que le temps paraît long. Qu'est-ce que le temps paraît long. On dit pas les noms, devant l'OPJ on parle pas. Même quand le soleil rayonne, on cherche le million en oubliant que le temps passe. Elle a vu Christian Dior, elle me fait la mignonne. Quand elle m'appelle, je réponds pas. Qu'est-ce que le temps paraît long.